Activité 1C. 1. Il connaît ce domaine avec certitude. 2. Il souhaite vraiment la lumière sur cette expérience nucléaire. 3. On espère que les premières journées de soleil favoriseront le commerce. 4. Je vais écrire un sixième message. 5. Il peut être fier de son projet. 6. Hier, on a écouté avec respect et intérêt le résultat de son enquête.